un curieux point de droit. La lettre suivante, trouvée dans mon courrier de ce matin, m'a laissé particulièrement rêveur, perplexe même. Si quelques jurisconsultes de mes lecteurs trouvaient une solution au problème posé, je lui serais vivement reconnaissant de me l'adresser, car il y a là une question d'intérêt public à laquelle les indifférents seront seuls à ne se passionner point. Voici les passages essentiels de la lettre. Cher monsieur Allais, vous, à qui les plus formidables points d'interrogation semblent jeux d'enfant, vous, pour qui toute science est sans mystère, tirez-moi d'embarras. Je suis possesseur, dans les environs de Paris, d'un charmant pavillon entouré d'un parc qui mesure 134 mètres de long sur 87 de large. Mais ce qui me chiffonne au-delà de toute imagination, c'est que, connaissant la longueur et la largeur de ma propriété, j'en ignore la hauteur. Mon droit de propriétaire s'étend-il, ou plutôt s'élève-t-il jusqu'aux étoiles? Jusque par-delà les étoiles? Oh, rêve! Ou bien s'il s'arrête quelque part? Et où? Les livres de droit que j'ai feuilletés sans relâche depuis quelques jours sont muets à cet égard. Y aurait-il lacune de la loi? Ou bien le législateur aurait-il reculé devant une aussi grave question? Quoi qu'il en soit, cher monsieur Allais, je suis horriblement tourmenté depuis que ce problème hante mon esprit. Précision. Un ballon a-t-il le droit de passer sur ma propriété? Évidemment, répondez-vous. Bon, mais à quelle hauteur? Bien sûr que si cet aérostat se contente de planer à un millier de mètres au-dessus de mon jardin, je n'aurai rien à dire. À 500 mètres, pas davantage. À 300 mètres non plus. Et même à 100 mètres. Mais voyez-vous, ce ballon voltant à un mètre de mon sol, n'allez pas crier à l'impossibilité d'un tel fait, car l'aventure m'est arrivée pas plus tard que dimanche dernier. J'avais quelques amis à déjeuner, des messieurs, des dames et des enfants. Comme le temps était fort beau, nous mangions dehors sur la magnifique pelouse qui s'étale devant ma maison. On venait de servir le café quand un petit garçon de l'assistance s'écria « Tiens, un ballon !» En effet, un ballon s'avançait dans notre direction. Tout à coup, cette sphère volante sembla se décider à regagner le plancher des vaches et nous la vîmes qui s'abattait assez rapidement sur notre tête. Elle n'en était plus qu'à quelques mètres. Nous distinguions parfaitement les deux messieurs dans la nacelle quand l'un d'eux s'écria, nous désignant « Ne descendons pas là, ces gens ont une trop sale gueule. Excusez l'expression, elle n'est pas de moi. » L'autre répondit « Ouais, tu as raison, tiens, voilà pour sucrer leur café. » Et en même temps, il vida sur nous tous un plein sac de sable du plus désagréable effet. Délesté, le ballon remonta et disparut bientôt à l'horizon. Comme c'est agréable, n'est-ce pas? Comprenez-vous maintenant, cher monsieur Allais, pourquoi je voudrais être fixé sur mes droits de propriétaire en hauteur? Je compte sur vous pour m'envoyer au plus tôt la solution de ce point de droit laissé, jusqu'à ce jour, dans l'ombre. J'ai l'honneur, etc., etc. Signé, un fidèle admirateur de votre beau talent. Moi aussi, me voilà bien embarrassé pour élucider un litige tant inouï. En attendant que les hommes de loi aient prononcé leur sentence, si j'étais à la place du fidèle admirateur de mon beau talent, j'élèverais mes murs à 300 ou 400 mètres de hauteur. Et puis, sur le tout, je tendrais une belle toile métallique, bien solide. Et puis, je m'arrangerais pour ne plus inviter à déjeuner des gens dont la gueule dégoûte à ce point de braves aéronautes. La belle inconnue. Il descendait le boulevard Malesherbes, les mains dans ses poches, l'esprit ailleurs, loin, loin, et peut-être même nulle part. Quand, un peu avant d'arriver à Saint-Augustin, il croisa une femme. Une jeune femme dont la description apporte peu ici. Imaginez-la à l'instar de celle que vous préférez, et vous abonderez dans notre sens. Machinalement, il salua cette personne. Mais elle, soit qu'elle n'eût point reconnu notre ami, soit qu'elle n'eût point remarqué son salut, continua sa route sans marque extérieure de courtoisie réciproque. Et pourtant, se disait-il, il l'avait vue quelque part, cette bonne femme-là. Mais où, diable? Et dans quelles conditions? En tout cas, insistait-il à part lui, c'était une bien jolie fille avec laquelle on ne devait pas s'embêter. Au bout de 20 pas, n'y pouvant tenir, Obsédé, il rebroussa chemin et la suivit. De dos aussi, il la reconnut. Où diable l'avait-il déjà vue? Et dans quelles conditions? La jeune femme remonta le boulevard Malesherbes jusqu'à la jonction de cette artère avec l'avenue de Villiers. Elle prit l'avenue de Villiers et marcha jusqu'au square Trafalgar. Elle tourna à droite. Et lui, la suivant toujours, se disait « C'est drôle, j'ai l'air de rentrer chez moi ». Avec tout ça, il ne se rappelait pas encore où diable il l'avait déjà vue, cette jeune femme, et dans quelles conditions. Arrivée devant le numéro 21 de la rue Albert Tartampion, la dame entra. Ça, par exemple, c'était trop fort, la voilà qui pénétrait dans sa propre maison. Elle prit l'ascenseur. Lui, 4 à 4, grimpa l'escalier. L'ascenseur stoppa au 4e étage, son étage. Et la dame, au lieu de sonner, tira une clé de sa poche et ouvrit la porte. Quelque élégante cambrioleuse, sans doute. Lui ne faisait qu'un bond. « Tiens, dit la belle inconnue, tu rentres bientôt ce soir ?» Et seulement, à ce moment-là, il se rappela où, diable, il l'avait vue, cette jeune personne, et dans quelles conditions. C'était sa femme. Perroquet héritier. Quand Hérodote prétendait que les perroquets ont pour coutume de vivre fort vieux, cet estimable polygraphe n'avançait rien à la légère. Les perroquets, en effet, ont pour coutume de vivre fort vieux, à moins pourtant qu'un persil meurtrier ne vienne faucher en sa fleur le fil de leurs anges jaseurs. Un persil qui fauche un fil en sa fleur, quelle littérature! La longévité plus ou moins considérable des perroquets peut même amener certains litiges spéciaux, témoin ce procès curieux qui va se plaider jeudi prochain devant le tribunal de Pont-l'Évêque. Rappelons brièvement les faits. Le 27 mai 1868, une vieille fille, la demoiselle Marie Popette, mourait, laissant la totalité de son petit avoir, 2300 francs de rente, à son perroquet, antique oiseau que lui avait jadis légué son vieil oncle et auquel elle avait voué un attachement véritablement maternel. Au perroquet, bien entendu. Comme la loi française interdit formellement de remettre argent, valeur ou titre ès-main d'un oiseau quelconque, les petites rentes de la vieille fille furent confiées à une bonne qu'elle avait à son service au moment de sa mort. Le testament, en effet, portait que la légataire jouirait de cette fortune tant que vivrait son perroquet, après quoi les rentes s'en retourneraient aux héritiers naturels. Ces derniers, vous voyez d'ici leurs sentiments à l'égard de l'oiseau rentier. « Bah !» se consolait-il, « cette volaille n'est plus de la première jeunesse. Patientons un peu. » Et il patientait. Le perroquet en question était un perroquet fort mal élevé, un perroquet à vocabulaire grossier. Son premier maître, un vieux soldat de la Révolution et de l'Empire, lui avait inculqué quelques clameurs dans ce genre « Hum, pour les Bourbons !» pour saluer le passage d'un ecclésiastique. « Vive l'Empereur !» pour un militaire en uniforme. « Cochon d'anglais !» pour les personnes à allure de touriste, quelle que fût d'ailleurs leur nationalité, etc., etc. Or, à la grande rage des héritiers, le discourtois perroquet ne mourait pas souvent. Pourtant, d'après les calculs les plus raisonnables, il devait avoir au moins 100 ans. Ah, la sale bête! Un doute affreux envahit l'âme cupide des héritiers, ou plutôt l'âme cupide de leurs descendants, car les premiers, en désespoir de cause, s'étaient décidés à trépasser avant leur co-héritier à plumes. Si le perroquet d'aujourd'hui, se disait-il, n'était plus le même que celui de 1868, en un mot, s'il y avait substitution. Une enquête, habilement menée, vint confirmer les soupçons. On apprit que la bonne femme chargée du soin de l'animal s'absentait souvent, emportant avec elle son précieux ver-vert. Elle se rendait à la campagne, chez des parents à elle, qui possédaient eux-mêmes 3 perroquets absolument semblables aux héros de notre histoire. Ces 3 perroquets étaient sévèrement dressés à prononcer le répertoire du nôtre, savoir « Hum, pour les Bourbons, cochon d'anglais !» et autres urbanités analogues. Comment ne pas avoir dans cette réunion d'oiseaux une réserve, un, comment dirais-je donc, un véritable conservatoire de perroquets destinée au remplacement du manquant, le cas échéant. La justice fut aussitôt saisie de l'affaire. Un vétérinaire, commis à l'examen de l'oiseau litigieux, ne put conclure nettement sur son âge probable. Le perroquet n'offre pas, comme le cheval, la ressource du contrôle dentaire. Les choses en sont là. Je ne manquerai pas, je dis, d'assister à la séance du tribunal. Et je télégraphierai aussitôt le verdict, par fil spécial. Infâme calomnie. La première chose que je lus aujourd'hui en me réveillant fut un article publié par un grand journal du matin et signé du nom de Grain d'Orge, pseudonyme, m'a-t-on affirmé, de notre grand dramaturge national Alfred Capus. Cet article n'était autre qu'un dialogue entre M. Bertillon et sa bonne, dialogue roulant sur la pantelante question de la dépopulation en France. Cette conversation entre sa servante et le chef du service anthropométrique avait-elle eu lieu réellement, ou bien si elle n'était que le fruit de l'imagination de M. Grain d'Orge? Voilà ce que je résolus sur le champ d'élucider. Car les journaux les plus graves se sont mis, depuis quelque temps, à publier des badinages écrits parfois sur un ton sérieux auquel le lecteur bénévole, tel moi, se laisse prendre. D'après l'article en question, la bonne de M. Bertillon, jeune fille fort dévouée à son maître, se serait décidée, de concert avec un aimable soldat, son cousin, à faire œuvre de chair, dans le but de relever un tantinet, on fait ce qu'on peut, la courbe de la natalité française. Une heure ne s'était point écoulée, et je sonnais à la grille de l'élégante villa qu'occupe à Auteuil l'infatigable mensurateur. Une jeune servante, accorte à souhait, vint à la porte. Tout d'abord, et peut-être parce qu'elle n'avait pas encore ouvert la bouche, je ne remarquais pas que la gentille bonne était lotie d'un fort accent alsacien. Ce n'est qu'après. « Monsieur Bertillon ? » fis-je d'une voix insinuante. « Il n'est pas ici, monsieur. Il est à son affaire d'entrecôte aux pommes et de riz. » Je crus comprendre, comme aurait pu le faire n'importe quel Français adulte, que cette affaire d'entrecôte aux pommes et de riz cachait que M. Bertillon prenait sa matutinale pâture. « Comment ? M'effarai-je un peu. M. Bertillon déjeune si tôt ? Je ne vous dis pas que M. Bertillon déjeune. Je vous dis qu'il est à son affaire d'entrecôte aux pommes et de riz. » J'entends bien, mais je n'achevais pas. J'avais compris. La jeune enfant des chères provinces perdues voulait dire « anthropométrie ». Brave fille, va. Alors, n'ayant pas M. Bertillon sous la main, ce fut elle que j'interviewais. La petite bonne lut attentivement l'article de M. Grain d'Orge que je lui tendis. Elle entra dans une vive colère et s'exprima sur notre confrère avec une trivialité peu commune et un rare bonheur d'invective. Cela, bien entendu, tempéré par la douce musique de sa prononciation alsacienne. L'accent de la sincérité brochait sur le tout. Monsieur Bertillon, que je rencontrai lui-même peu après, m'affirma qu'il ne fallait voir en l'article de Monsieur Grain d'Orge qu'une aimable facétie, une galéjade, comme dit Auguste Marin. Il ajouta même, sur le compte de sa jolie petite bonne, une réflexion personnelle, non dénuée de piquant, mais impossible à insérer dans un ouvrage qui se respecte. C'est dommage.